Gentiment répondait. J'en fais pas, les amis, ce que j'aime en lui. Mais c'est quoi la bite? C'est la grosse bite à tulle. Ah bon? Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah bon? Ah les amis, vous dire que c'est bon. Quand il me le cœur dans l'oignon, l'oignon, c'est pas une bite ordinaire. Ça, je veux bien le croire, hein. Quand il me la fout dans le derrière. Je me sens soudain oui. Tout rempli oh. Du cul jusqu'au nombril. Ah du du le. Ça devait arriver. La petite Huguette c'est une pauvre. Mais je lui mettrais bien mon zob dans le thermomètre.